Par amour pour toi, moi j'ai tout donné. Par amour pour toi, j'ai oublié l'été. Par amour pour toi, je me teindrai en blonde. Par amour pour toi, je referai le monde. Mais toi tu réponds que tout ça ne suffit pas. Alors moi solitaire, moi je quitte la terre. Par amour pour toi. Par amour pour toi, j'ai acheté des yaourts. Par amour pour toi, j'ai même fait le ménage. Par amour pour toi, j'ai attrapé la grippe. Par amour pour toi, j'ai même changé de slip. Mais toi tu réponds que tout ça ne suffit pas. Alors moi solitaire, moi je quitte la terre. Par amour pour toi. Par amour pour toi, j'ai mangé mon caca. Par amour pour toi, j'ai abandonné Léa. Par amour pour toi, j'ai chopé le sida. Par amour pour toi, j'ai chanté à l'Olympia. Mais toi tu réponds que tout ça ne suffit pas. Alors moi solitaire, moi je quitte la terre. Par amour pour toi. Par amour pour toi, j'ai enculé un homme. Par amour pour toi, j'ai écrit un album. Par amour pour toi, je t'ai même invité. Par amour pour toi, manger des steaks panés. Mais toi tu réponds que tout ça ne suffit pas. Alors moi solitaire, moi je quitte la terre. Par amour pour toi.